Chapitre 2. Aratof y trouva peu de monde. Le temps était gris et assez froid. Il tâchait de ne pas réfléchir à ce qu'il faisait. Il s'efforçait de diriger son attention sur tous les objets qu'il rencontrait et de se persuader que lui aussi était venu là pour se promener comme les autres. La lettre de la veille se trouvait dans sa poche de deux côtés et il la sentait constamment là. Aratof parcourut deux ou trois fois le boulevard en examinant attentivement toute figure féminine qui s'approchait de lui. Son cœur battait. Sentant de la fatigue, il s'assit sur un banc. Tout à coup, il lui vint dans la tête, et si cette lettre était écrite non par elle, mais par une autre? Cela aurait dû lui être parfaitement égal, pourtant il dut s'avouer à lui-même qu'il ne le désirait pas. « Ce serait trop bête, pensa-t-il, encore plus bête que l'autre chose. » Une inquiétude nerveuse commença à s'emparer de lui. Il eut froid, non dehors, mais dedans. De temps en temps, il tirait sa montre, regardait le cadran, le replaçait dans son gilet, et chaque fois il oubliait combien de minutes restait avant 5 heures. Il lui semblait que tous les passants le regardaient d'une certaine façon, avec un étonnement railleur, avec curiosité. Un vilain petit chien s'approcha de lui, lui flaira les bottes et se mit à frétiller de la queue. Il le chassa d'un geste colère. Ce qui l'ennuyait le plus, c'était un jeune garçon de fabrique en longue veste déguenillée, et qui s'était installé sur un banc de l'autre côté du boulevard, et tantôt sifflotant, tantôt se grattant, et dandinant ses pieds recouverts d'énormes bottes trouées, ne cessait de lui jeter des regards. « Voilà, pensait Aratof, son patron l'attend à coup sûr, et le paresseux reste là à flâner. » Mais non, ce moment même, Aratof crut sentir que quelqu'un s'était approché, puis s'était arrêté derrière lui. Il lui vint comme un souffle chaud, il se retourna vivement. C'était elle. Il la reconnut sur le champ, bien qu'un épais voile bleu recouvrît son visage. Il sauta aussitôt de son banc, mais resta immobile et ne put prononcer une parole. Elle se taisait aussi. Il éprouvait un grand trouble, mais son trouble à elle n'était pas moindre. Même à travers son voile, Aratof ne put ne pas remarquer qu'elle était pâle comme une morte. Ce fut cependant elle qui parla la première. « Merci, commença-t-elle d'une voix entrecoupée, je n'espérais pas. » Elle se détourna légèrement et se mit à marcher le long du boulevard. Aratof la suivit. « Vous m'avez probablement blâmé, continua-t-elle, sans tourner la tête de son côté. En effet, mon action est très étrange, mais j'ai entendu tant parler de vous. Mais non, ce n'est pas pour cette raison. Oh, si vous saviez... J'aurais voulu vous dire tant de choses, mais, mon Dieu, comment le faire? Comment le faire? Aratof marchait à côté d'elle, 2 pas en arrière. Il ne pouvait voir son visage, il ne voyait que son chapeau, une partie de son voile et sa longue mantille noire déjà un peu usée. Tout son dépit et contre elle et contre lui-même lui revint subitement. Tout le ridicule, toute la bêtise de cette entrevue, de ces explications entre 2 personnes complètement inconnues l'une à l'autre, sur la voie publique, lui sautèrent aux yeux. « Je me suis rendu à votre invitation, commença-t-il à son tour. Je me suis présenté, madame. » Les épaules de la jeune fille eurent un léger tressaillement. Elle prit un petit chemin de traverse et il la suivit. dans le seul but d'éclairer à la suite de quel étrange malentendu vous avez bien voulu vous adresser à moi, à un homme qui vous est étranger et qui n'a deviné, comme vous vous êtes exprimé dans votre lettre, qui n'a deviné que c'était vous qui lui aviez écrit que, par la seule raison que pendant cette matinée littéraire, vous avez daigné lui témoigner une attention par trop évidente. Aratov s'arrêta, attendant une réponse. Mais elle resta muette. Tout ce petit discours fut prononcé par Aratov de cette voix sonore, mais pas très assurée, qu'ont les jeunes gens aux examens lorsqu'ils répondent sur un sujet auquel ils se sont bien préparés. Il se fâchait, il était en colère, et cette colère même avait délié sa langue qui, d'ordinaire, n'avait pas cette facilité d'élocution. Elle continuait à marcher dans le petit chemin d'un pas ralenti. Aratov marchait derrière elle et ne voyait toujours que cette vieille mantille et ce chapeau qui n'était pas bien frais non plus. Son amour-propre souffrait à l'idée qu'elle avait dû penser « Je n'ai eu qu'à faire signe et il est accouru. » « Je suis tout prêt à vous entendre, » répondit-il. « Je serais même très enchanté de pouvoir vous être utile en quoi que ce soit. » Et pourtant, je l'avoue, je ne puis que m'étonner avec ma vie solitaire. Mais à cette dernière parole, Clara se retourna vers lui brusquement. Et il aperçut un visage si épouvanté, si profondément triste, avec de si grosses et claires larmes dans les yeux, avec une expression si amère autour de la bouche entrouverte. Ce visage était tellement beau que la parole expira sur ses lèvres et qu'il ressentit lui-même comme une sorte d'effroi, d'attendrissement et de pitié. Oh, mais pourquoi, pourquoi dire cela ? Dit-elle avec un accent irrésistible de sincérité vraie. Comme sa voix était poignante. Est-il possible que mon appel vous ait offensé? Que vous n'ayez rien compris? Oh non, vous n'avez rien compris. Vous n'avez pas compris ce que je vous disais. Oh, Dieu sait ce que vous avez pensé de moi. Vous n'avez pas même pensé à ce qu'il m'en avait coûté de vous écrire. Vous n'avez eu souci que de votre personne, de votre dignité. Mais mon Dieu, est-ce que je voulais ? Et elle frappa si violemment ses mains qu'elle avait apporté à ses lèvres qu'on entendit ses doigts craquer. Comme si j'avais montré quelque exigence, comme si toutes ces explications étaient nécessaires. « Madame, je ne puis que m'étonner. Je serais très enchanté de vous être bon à quelque chose. Ah, je suis insensé. Je me suis trompé sur vous. Votre visage m'a trompé. Quand je vous ai vu pour la première fois, tenez, vous voilà là, et pas une parole, pas une seule parole. » Elle se tut brusquement. Son visage devint tout à coup rouge et prit subitement une expression méchante et insolente. « Mon Dieu, que c'est bête !» s'écria-t-elle avec un rire strident. « Que cette entrevue est bête, comme je suis bête, moi, et vous aussi, fille !» Elle fit un geste méprisant de la main, comme si elle le chassait de son chemin, et passant devant lui, elle s'éloigna en courant et disparut. Ce geste, ce rire insultant et cette dernière exclamation rendirent Aratov à sa première disposition d'esprit et étouffèrent aussitôt dans son âme le sentiment qui s'y était éveillé au moment où Clara, les yeux en larmes, s'était tournée vers lui. La colère le reprit. et il fut sur le point de crier à la jeune fille qui fuyait. « Oh, vous pouvez devenir une bonne actrice, mais pourquoi essayer vos effets sur moi ?» Il retourna à grands pas à la maison, et bien qu'il continuât à sortir du dépit et à s'indigner tout le long du chemin, à travers tous ses sentiments mauvais et hostiles, perçait involontairement le souvenir de ce merveilleux visage qu'il n'avait fait qu'entrevoir un instant. Il se posa même cette question, mais pourquoi ne lui ai-je pas répondu quand elle me suppliait de lui dire un seul mot? Elle ne m'en a pas donné le temps, et quel mot aurais-je bien pu prononcer? Mais il secoua aussitôt la tête et répéta avec dérision « Comédienne !» Et en même temps, l'amour-propre du jeune homme nerveux et inexpérimenté, cet amour-propre offensé d'abord, se sentait maintenant comme flatté à cette idée. Voilà pourtant quelle passion il avait inspirée. Mais aussi, se dit-il dans le même instant, tout ceci est naturellement fini. J'ai dû lui sembler parfaitement ridicule. Cette pensée lui était désagréable, et il se dépitait de nouveau, et contre elle, et contre lui-même. Revenu à la maison, il s'enferma dans son cabinet. Il ne voulait pas voir Platocha. La bonne vieille s'approcha deux ou trois fois de la porte, appliqua l'oreille à la serrure, soupira, murmura sa prière. « Ça a commencé, » pensait-elle, « et il n'a que 25 ans. Oh, c'est trop tôt. Oh, c'est trop tôt. » Toute la journée suivante, Alatov fut de mauvaise humeur. « Qu'est-ce, Yasha ?» lui demandait Platonida. « T'as aujourd'hui l'air tout détraqué. » Dans le langage particulier de la petite vieille, cette expression rendait assez exactement l'état moral d'Alatov. Il ne pouvait pas travailler. Il ne savait pas lui-même ce qu'il désirait. Tantôt, il se mettait à attendre Kupfer. Il soupçonnait que c'était de Kupfer que Clara avait eu son adresse et quel autre aurait pu tant parler de lui. Et tantôt, il se demandait si vraiment ses relations devaient se terminer ainsi. Parfois, il imaginait qu'elle lui écrirait, ou bien ne serait-ce pas à lui d'écrire une lettre dans laquelle il lui expliquerait tout, car il ne désirait pourtant pas lui laisser une impression défavorable. Mais expliquer quoi ? Tantôt, il tâchait d'exciter en lui-même une sorte de dégoût pour elle, pour son indiscrétion, pour sa hardiesse. Puis de nouveau, se représentait à lui ce visage indiciblement touchant et cette voix d'un accent irrésistible. Puis il se rappelait son chant, sa manière de lire, et il ne savait plus s'il avait eu raison dans son jugement sévère. En un mot, c'était un homme détraqué. Enfin, tout cela finit par l'ennuyer, et il se décida, comme on dit, à se faire une raison et à biffer toute cette histoire qui le dérangeait de ses occupations et troublait son repos. Mais ça ne fut pas chose facile. Une semaine se passa avant qu'il pût rentrer dans son ornière habituelle. Heureusement, Kupfer ne paraissait plus du tout, on lui dit qu'il avait quitté Moscou. Peu de temps avant cette histoire, Alatov avait commencé à s'occuper de peinture au point de vue de la photographie. Il s'y remit avec un redoublement de zèle. Ainsi, insensiblement, avec quelques légères rechutes, comme disent les docteurs, Aratov, par exemple, fut un jour sur le point de rendre visite à la princesse. Ainsi se passèrent 2-3 mois, et Aratof redevint l'Aratof d'autrefois. Seulement là, en dessous, sous la surface de sa vie, quelque chose de lourd, de sombre l'accompagnait secrètement, partout et toujours. Ainsi, un grand poisson, saisi par l'hameçon, mais qui n'est pas encore arraché de l'eau, suit en nageant au fond de la rivière le bateau sur lequel se tient le pêcheur, sa forte ligne à la main. Mais voici qu'un jour, parcourant un numéro de la Gazette de Moscou, Aratof tomba sur la correspondance suivante. « C'est avec un profond chagrin, écrivait un littérateur du cru de la ville de Kazan, que nous insérons dans notre chronique théâtrale la nouvelle de la fin subite de notre remarquable actrice Klara Milic, qui avait su dans le temps relativement court de son engagement devenir la favorite de notre public si connaisseur et si difficile. Notre chagrin est d'autant plus profond que c'est Mademoiselle Milic elle-même qui volontairement a mis fin à ses jours, si jeune et si pleine d'espérance, par le moyen du poison. Et cet empoisonnement est d'autant plus horrible que l'artiste a bu le breuvage fatal sur le théâtre même. On eut beaucoup de peine à la ramener chez elle, où, au regret général, elle expira. Le bruit court qu'un amour malheureux aurait été la cause de cette action funeste. Aratof déposa doucement le numéro du journal sur la table. À le voir, il était resté calme, mais quelque chose comme un choc heurta tout à coup violemment dans sa poitrine, dans sa tête, puis glissa lentement le long de tous ses membres. Il se leva, resta quelque temps immobile, se rassit, relut la correspondance, se releva, se coucha sur son lit et, les mains croisées derrière la tête, comme un homme envahi par le brouillard, regarda longuement la muraille. Peu à peu, cette muraille s'effaça, disparut, et il aperçut devant lui et le boulevard sous un ciel gris, et elle dans sa mantille noire, puis elle encore sur l'estrade, puis lui-même à côté d'elle. Ce même choc qu'il avait si violemment frappé à la poitrine au premier moment, se mit à remonter lentement vers la gorge. Il voulut s'éclaircir le gosier, il voulut appeler, mais sa voix le trahit, et à son propre étonnement, des larmes abondantes jaillirent de ses yeux. Qu'est-ce qui avait excité ces larmes? La pitié ou le remords? Ou simplement les nerfs qui n'avaient pu résister à ce coup subi? Car elle n'était rien pour lui. N'est-ce pas? Une pensée soudaine lui traversa la tête. Mais peut-être, n'est-ce pas vrai? Il faut s'informer. Mais auprès de qui? De la princesse? Oh non! Auprès de Kupfer? De Kupfer? Mais on dit qu'il n'est pas à Moscou. Oh, c'est égal, c'est par lui qu'il faut commencer. Aratof s'habilla rapidement, prit un isvostik et partit au galop. Il n'espérait pas le trouver à la maison, et cependant il le trouva. Kupfer avait en effet quitté Moscou pour quelque temps, mais il était de retour depuis une semaine et se proposait d'aller voir Aratof. Il le reçut avec sa bonne humeur habituelle, et déjà allait lui raconter quelque chose lorsqu'Aratof l'interrompit avec impatience. « Tu as lu, c'est vrai ?»« Quoi, c'est vrai ?» répondit Kupfer étonné. « Au sujet de Klara Milic. Le visage de Kupfer exprima la pitié. « Ah oui, oui, frère, ah, c'est vrai. Elle s'est empoisonnée, quel malheur !» Aratov se tut un instant. « Tu l'as lu aussi dans le journal, ou bien peut-être es-tu allé toi-même à Kazan ?»« Oh, je suis allé à Kazan, en effet, la princesse et moi l'y avons accompagné. Oh, elle y a débuté avec grand succès. » Cependant, je ne suis pas resté jusqu'à la catastrophe, je me trouvais à Yaroslav. À Yaroslav? Oui, je vais accompagner la princesse. C'est là qu'elle s'est établie à présent. Mais as-tu des nouvelles certaines? La plus certaine, de première main. À Kazan, j'ai fait la connaissance de toute sa famille. Mais attends un peu, frère. Il me semble que cette nouvelle t'agite singulièrement, et pourtant, autant qu'il me souvienne, Clara ne t'avait pas plu. Tu avais tort, c'était une jeune fille extraordinaire, mais une tête... Oh, une tête! Sa mort m'a causé beaucoup de chagrin. Aratov se laissa tomber sur une chaise, et après un moment de silence, prit à Kupfer de lui raconter. Il hésita. Quoi donc ? Demanda Kupfer. Tout, repartit lentement Aratov, sur sa famille, sur elle, enfin, tout ce que tu sais. Cela t'intéresse donc bien ? Et Kupfer, d'après le visage duquel on n'aurait pas dit qu'il eut tant de chagrin, commença son récit. Le véritable nom de Clara Milich était Catherine Milovidov. Son père, mort depuis quelque temps, avait été maître de dessin au gymnase de Kazan. Il peignait de méchants portraits et des images d'église et passait pour un ivrogne et pour un tyran domestique. Il avait laissé après lui, premièrement, une veuve de la caste des marchands, une femme sotte, absolument sotte, sorti tout droit des comédies d'Ostrovski, et deuxièmement, une fille beaucoup plus âgée que Clara, et qui ne lui ressemblait guère, une personne très intelligente, mais exaltée, maladive, une personne très remarquable, mon ami, et développée, très développée. Elles vivaient toutes deux, mère et fille, convenablement, dans une assez gentille maisonnette, acheter du produit de ses méchants portraits et de ses images de pacotille. Quant à Clara ou Katia, si tu veux, elle avait frappé tout le monde par ses aptitudes dès son enfance. Mais son caractère était capricieux, insoumis. Elle ne faisait que se chamailler avec son père. Ayant une passion innée pour le théâtre, elle s'était enfuie à 16 ans, de la maison paternelle avec une actrice. Avec un acteur, interrompit Aratov. Non, non, pas avec un acteur, mais avec une actrice à laquelle elle s'était attachée. Il est vrai que cette actrice avait un protecteur, un seigneur riche, assez vieux, qui ne l'avait pas épousée par la seule raison qu'il était déjà marié. Mais de reste, l'actrice, de son côté, paraît-il, était aussi mariée. Avant son arrivée à Moscou, Clara avait déjà joué et chanté dans les théâtres de province. Puis, ayant perdu son amie l'actrice, le protecteur était mort ou s'était réconcilié avec sa femme, Kupfer ne savait pas au juste, Clara avait fait la connaissance de la princesse, cette femme d'or, ajouta le narrateur, non sans conviction, que toi, Jacques Andreïtch, tu n'as pas su apprécier à sa juste valeur. Enfin, Clara reçut des propositions de Kazan, il les accepta, bien qu'il eût souvent assuré qu'elle ne quitterait pas Moscou. Aussi, comme les Kazaniens s'étaient mis à l'aimer, c'était étonnant. À chaque représentation, des bouquets et un cadeau, des bouquets et un cadeau. Un marchand de grains, le premier gros bonnet de la province, lui avait même fait l'hommage d'un encrier en or. Kupfer avait raconté tout cela avec une grande animation, mais sans la moindre trace de sentimentalité, n'interrompant son discours que par des exclamations. « Ah, tu veux savoir encore cela ? Mais pourquoi faire ?» Quand Tarlatov, qu'il écoutait avec une attention dévorante, exigeait de lui des détails toujours plus précis. Enfin, tout fut dit, et Kupfer se tut, s'étant récompensé de sa peine par un cigare. « Mais pourquoi donc s'est-elle empoisonnée ?» demanda Tarlatov. « Il est dit dans le journal. » Kupfer éleva les deux mains en l'air. « Oh, oh, cela, je ne puis le dire, je ne sais pas. » Mais le journal radote. La conduite de Clara était exemplaire. Des amourettes avec sa fierté. Car elle était fière comme Satan en personne. Et inabordable, je te l'ai dit, une tête. Dur comme de la pierre. Le croiras-tu ? Je l'ai pourtant bien connu intimement, et pourtant, je n'ai jamais vu de larmes dans ses yeux. Et moi, j'en ai vu, pensa Tarlatov. Je dois pourtant en dire, continua Kupfer, que dans les derniers temps, j'avais remarqué en elle un grand changement. Elle était devenue morose, silencieuse. On ne pouvait lui arracher une parole. Je lui ai demandé parfois, plusieurs fois, « Quelqu'un ne vous aurait-il pas offensé, Katerina Semenovna ?» Car je connaissais bien son caractère. Elle ne pouvait pas supporter une offense. Elle se taisait et basta. Même les succès au théâtre ne lui faisaient pas grand plaisir. Les bouquets tombaient de toutes parts et elle ne souriait seulement pas. C'est à peine si elle a jeté un regard sur l'encrier du marchand de grain. Elle se plaignait beaucoup de ce que personne ne lui écrivit un vrai rôle tel qu'elle le comprenait. Quant au chant, elle l'avait complètement abandonné. « Pardonne-moi, frère, mais je lui ai répété ce que tu avais dit de son manque d'école. » Avec tout cela, pourquoi s'est-elle empoisonnée? C'est inconcevable. Et de quelle façon encore? Dans quel rôle a-t-elle eu le plus de succès? Tarlatov avait voulu demander dans quel rôle elle avait paru pour la dernière fois, mais Dieu sait pourquoi il demanda autre chose. Dans la Grudnia d'Ostrovski, mais je te le répète, d'amourette, point. Jugeant toi-même, elle vivait dans la maison de sa mère. Tu sais, il y a de ces maisons de marchands, dans chaque coin un tas d'images et une lampe, une chaleur étouffante, ça sent l'aigre. Dans le salon, rien que des chaises le long des quatre murs, des pots de géranium aux fenêtres. Et dès qu'un visiteur arrive, la maîtresse de la maison se met à pousser des « Ah, mon Dieu !» comme si un ennemi s'approchait. « Où veux-tu qu'il y ait là des faire la cour et des amours ?» Même moi, on ne me laissait pas toujours entrer. Leur servante, grosse paysanne, en sarafane de toile de Koumatch, aux mamelles pendantes, se place en travers de nous, les jambes écartées, et vous rugit « Où vas-tu ? » Non, non, décidément, je ne puis comprendre pourquoi elle s'est empoisonnée. Elle en aura eu assez de la vie, conclut philosophiquement Kupfer. Tarlatov se tenait assis, la tête penchée. « Peux-tu me donner l'adresse de cette maison à Kazan ?» dit-il enfin. « Oh, je le puis, mais qu'en veux-tu faire ? Voudrais-tu y envoyer une lettre ?»« Peut-être. »« C'est ton affaire, seulement la vieille ne te répondra pas, car elle ne sait pas l'orthographe. »« La sœur, peut-être. Elle est bien intelligente, la sœur, mais Je dois te dire que tu m'étonnes. Quelle indifférence auparavant et maintenant quel intérêt ? Oh, tout ça, mon cher, vient de la solitude où tu vis. » Alatov ne répondit rien à cette observation et s'en alla muni de l'adresse demandée. Quand il s'était rendu chez Kupfer, son visage exprimait l'agitation, l'étonnement, l'attente. Maintenant, il allait d'un pas égal, les yeux baissés, le chapeau enfoncé sur le front. Plus d'un passant le suivit d'un regard interrogateur, mais il ne faisait pas attention aux passants. Ce n'était pas comme cette autre fois sur le boulevard. Malheureuse Clara, Clara l'insensée, ce refrain résonnait en son âme. Et pourtant, le lendemain, Aratov fut tranquille et reprit ses occupations. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Kupfer lui avait dit la veille, mais ses réflexions étaient assez paisibles. Il lui semblait que cette étrange jeune fille l'intéressait au point de vue psychologique, comme une énigme dont il valait la peine de chercher le mot. Elle s'est enfuie avec cette actrice entretenue. Elle s'est mise sous la protection de cette princesse chez laquelle elle a demeuré. Et pas d'intrigue amoureuse ? Invraisemblable. Kupfer parle de sa fierté. Mais nous savons, Aratorf aurait dû dire, nous avons lu dans des livres, que la fierté peut très bien faire bon ménage avec une conduite légère. Et en second lieu, comment elle, si fière, a-t-elle donné un rendez-vous à un homme qui aurait pu lui témoigner du dédain et qui lui en a témoigné ? Mais ici, Aratov se demanda, lui avait-il en effet témoigné du dédain ? Non, c'était un sentiment de surprise, d'incrédulité peut-être. Malheureuse Clara, retentit en lui de nouveau. Oui, malheureuse, dit-il enfin, c'est le mot qui s'applique le mieux à elle. Et si c'est ainsi, j'ai été injuste. Elle avait raison de dire que je ne l'avais pas comprise. C'est dommage. Une nature bien remarquable peut-être a passé si près de moi. Que je n'en ai pas profité, je l'ai repoussé. Oh, bien après tout, j'ai toute la vie devant moi, je ferai bien d'autres rencontres encore. Mais pourquoi est-ce précisément moi qu'elle a choisi ? Il jeta un regard dans le miroir devant lequel il passait. Qu'y a-t-il donc de si particulier en moi ? Je ne suis pas déjà si beau, un visage comme tous les autres. Du reste, elle n'est pas belle non plus. Elle n'est pas belle, mais quel visage expressif, immobile mais expressif. Je n'en ai pas encore rencontré de semblable. Et elle a aussi du talent, c'est-à-dire elle avait du talent indubitablement. Un talent sauvage, non développé. Mais rude, mais véritable. Et là aussi, j'ai été injuste envers elle. Aratov se transporta par la pensée à la matinée musicale et remarqua qu'il se rappelait très distinctement chaque parole parlée ou chantée par elle, chaque intonation. Cela n'aurait pas eu lieu si elle n'avait pas eu de talent. Et maintenant, tout cela est dans la tombe où elle s'est précipitée elle-même. Mais il n'y a pas de ma faute, non. Il serait ridicule de penser qu'il y a de ma faute. En supposant même qu'il y ait eu quelque chose de ma part, ma conduite pendant l'entrevue a dû la désillusionner complètement. C'est aussi pour cela qu'elle a eu ce rire cruel en me quittant. Et puis, quelle preuve y a-t-il qu'elle se soit empoisonnée par amour ? Il n'y a que les correspondants de journaux qui attribuent de pareilles morts à un amour malheureux. aux personnes du caractère de Clara, la vie devient facilement un ennui, un fardeau. Oui, décidément, Kupfer a raison. Elle en avait assez de la vie. Et malgré ses succès, malgré ses ovations, Aratov se mit à rêver. Cette analyse à laquelle il se livrait lui était en quelque sorte agréable. Étranger jusqu'alors à tout contact avec les femmes, il ne soupçonnait pas lui-même combien cette persistance à déchiffrer une âme féminine était significative pour lui. « S'il en est ainsi, continua-t-il, l'art ne la contraignait donc pas, ne remplissait pas le vide de sa vie. Les véritables artistes n'existent que pour leur art. Tout le reste pâlit devant ce qu'ils reconnaissent être leur vocation. Bon, ce n'était qu'une dilettante. » Mais ici, Aratov s'arrêta de nouveau. Non, le nom de dilettante n'allait pas à ce visage, à l'expression de ses yeux. Et devant lui surgit encore l'image de Clara, avec son regard noyé de larmes et fixé sur lui, avec ses mains pressées l'une contre l'autre et soulevées jusqu'à ses lèvres. « Ah, c'est assez !» se dit-il, comme brisé de fatigue. « À quoi bon tout cela ?» Ainsi se passe à la journée. Pendant le dîner, Aratov causa longtemps avec Pliatoucha, la questionna sur le temps d'autrefois, dont elle ne se souvenait guère et qu'elle lui racontait mal, n'étant pas de langue facile et n'ayant de sa vie fait attention qu'à son Yasha, qu'elle était heureuse de voir ce jour-là si gentil et si bon. Il finit même par jouer aux cartes avec elle. Ainsi se passe la journée. Mais la nuit, elle avait bien commencé, Aratov s'était bientôt endormi, et quand la tante entra sur la pointe des pieds dans sa chambre pour faire trois fois le signe de la croix au-dessus de sa tête, ce qu'elle ne manquait pas de faire chaque nuit, il était tranquillement étendu et respirait comme un enfant. Mais vers le matin, il eut un rêve. Il lui sembla qu'il marchait dans une steppe vide, parsemée de grosses pierres, sous un ciel bas. Un sentier serpentait à travers les pierres. Il le suivit. Tout à coup, devant lui, s'élève comme un léger nuage. Il le regarde. Ce nuage devient une femme vêtue de blanc avec une étroite ceinture en or autour de la taille. Elle s'éloigne de lui en toute hâte. Il ne pouvait voir ni son visage ni ses cheveux. Un long voile les couvrait. Il voulait à toutes sortes la rattraper, la regarder dans les yeux, mais il avait beau se hâter, elle marchait plus vite que lui. Sur le sentier se trouvait une large pierre plate, semblable à une dalle de tombeau. Cette pierre barrait le chemin à la femme, elle s'arrêta. Aratov s'approcha en courant, elle se retourna vers lui, mais il ne vit pas davantage ses yeux, ils étaient fermés. Son visage était blanc, blanc comme la neige. Ses bras pendaient immobiles, ressemblait à une statue. Lentement, sans plier un seul membre, elle se renversa en arrière et s'étendit sur la dalle. Et sans savoir comment, Aratov se trouve étendu auprès d'elle, tout son corps raide et droit comme une figure de tombeau et ses mains croisées comme celles d'un mort. Mais ici, la femme se souleva tout à coup et s'éloigna. Aratov veut aussi se soulever, mais il ne peut ni décroiser ses bras ni bouger. Il la suit du regard avec désespoir. Alors la femme se retourna soudain, et il aperçut des yeux vivants et clairs, sur un visage vivant aussi, mais inconnu. Elle rit, elle l'appelle de la main, mais il ne peut toujours pas bouger. Elle rit de nouveau, et s'éloigne en balançant gaiement la tête, sur laquelle a tout à coup surgi une couronne de petites roses rouges. Aratov essaie de crier, de secouer cet horrible cauchemar. Tout devient sombre et la femme reparaît auprès de lui. Mais ce n'est plus la statue, c'est Clara. Elle se tient devant lui, les bras croisés, et le regarde avec une attention sévère. Ses lèvres sont serrées, mais il semble à Aratov qu'il entend les mots suivants. Si tu veux savoir qui je suis, va là-bas. Où cela ? Demande-t-il. Là-bas, répond une voix gémissante. Là-bas. Aratov se réveilla en sursaut. Se dressant dans son lit, il alluma la bougie sur la table, mais ne se leva point et resta longtemps assis, tout refroidi, regardant lentement alentour. Il lui sembla que, depuis qu'il était couché, il lui était arrivé quelque chose, que ce quelque chose s'était emparé de lui, l'avait envahi pleinement. « Mais est-ce que ce serait possible ? » murmurait-il avec une sorte d'égarement. « Un pareil pouvoir peut-il exister ?» Il ne put rester dans son lit, il s'habilla lentement, et jusqu'au matin marcha dans sa chambre. Et, chose étrange, il ne pensait pas un instant à Clara, il ne pensait pas à elle, parce qu'il s'était décidé à partir dès le lendemain pour Kazan. Il ne songeait qu'à ce voyage, à la façon de le faire, à ce qu'il fallait prendre. Il se disait qu'une fois là, il tirerait tout au clair, et alors se tranquilliserait. Si je n'y vais pas, pensait-il, je suis capable de devenir fou. Il avait peur à cette pensée. Il craignait ses propres nerfs. Il était persuadé que dès qu'il aurait vu lui-même les choses de ses propres yeux, toute cette diablerie s'évanouirait comme son cauchemar de la nuit. Ce voyage ne prendra pas plus d'une semaine, et qu'est-ce qu'une semaine ? Autrement, je n'en serai jamais délivré. Le soleil levant éclaira sa chambre, mais la lumière du jour ne chassa pas les ombres nocturnes qui s'étaient étendues sur lui, et sa décision resta inébranlable. Platocha manqua avoir un coup de sang qu'Aratov la lui communiqua. Ses jambes défaillirent au point qu'elle dut s'accroupir par terre. « Mais comment à Kazan ? Pourquoi à Kazan ? » murmurait-elle en écarquillant tout grand ses pauvres yeux myopes. Elle n'aurait pas été plus stupéfaite si elle avait appris que son Yasha allait épouser la boulangère du coin ou qu'il partait pour l'Amérique. « Et pour longtemps à Kazan ?» « Oh, je serai de retour dans une semaine, » répondit Aratov, en se détournant à demi de sa tante, toujours accroupie par terre. Platocha allait répliquer, mais il l'arrêta avec une violence inattendue. « Oh, je ne suis pas un enfant, » cria-t-il, tout pâle, les lèvres tremblantes et un éclair de colère dans les yeux. « J'ai 25 ans passés, je sais ce que je fais, je suis libre de faire ce que je veux. » « Je ne permettrai à personne. Allez, donnez-moi de l'argent pour le voyage, préparez-moi ma malle avec du linge et des habits, et ne me tourmentez plus. Je reviendrai dans une semaine, Platocha, » ajouta-t-il d'une voix un peu plus douce. Platocha se releva en geignant et sans répliquer se traîna dans sa chambre. Yasha l'avait effrayé. « C'est pas une tête que j'ai sur les épaules, » disait-elle à la cuisinière qui l'aidait à emballer les effets de Yasha. « C'est pas une tête, c'est une ruche. Et quelles sont les abeilles qui bourdonnent, j'en sais rien. Il va à Kazan, ma mère, il va à Kazan. » La cuisinière, qui avait vu la vieille Lord Warnick avoir une longue conversation avec un homme de police, eut un instant l'idée de faire part à sa maîtresse de cette circonstance, mais elle se mordit la langue et elle se contenta de penser à Casanova, pourvu que ce ne soit pas beaucoup plus loin. Quant à Plateau-Chat, elle était tellement bouleversée qu'elle ne prononçait même plus sa prière habituelle. Dans une pareille calamité, Dieu lui-même ne pouvait pas lui venir en aide. Le jour même, Aratov partit pour Kazan. Arrivé dans cette ville, il prit à peine le temps de retenir une chambre dans une auberge et courut à la recherche de la maison de la veuve Milovidov. Pendant tout le voyage, il s'était trouvé dans une sorte de torpeur qui ne l'empêchait pourtant pas de s'occuper du nécessaire, de se transporter du chemin de fer au bateau à vapeur et de dîner aux stations. Il continuait à être persuadé que là, tout s'éclaircirait et chassant loin de lui tout souvenir et toute considération, il se contentait de préparer dans sa tête le speech par lequel il exposerait à la famille de Klara Bilitch le motif de son voyage. Le voilà enfin arrivé devant la porte. Il se fait annoncer, on le laisse entrer avec étonnement, mais on le laisse entrer. La maison de la veuve Milovidov était en effet telle que Mapfer l'avait écrite, et la veuve elle-même semblait être une des marchandes des comédies d'Ostrovski, tout en étant femme d'employé. Son mari avait eu le grade d'assesseur de collège. Non sans quelque hésitation, Aratov, après s'être préalablement excusé de sa hardiesse et de l'étrangeté de sa visite, prononça le speech qu'il avait préparé. Comme quoi, il avait l'intention de rassembler tous les renseignements nécessaires sur la jeune artiste prématurément enlevée au monde. Il ajouta que ce n'était pas une vaine curiosité qui l'amenait, mais bien une profonde sympathie pour un talent dont il avait été l'admirateur. Il se servit vraiment du mot « admirateur », et qu'enfin c'eût été un péché de laisser le public dans l'ignorance de ce qu'il avait perdu et pourquoi ses espérances avaient été frustrées. Madame Milodinov s'interrompit par Aratov. Elle ne comprenait pas trop bien ce qu'il lui disait ce véritable inconnu. Elle se contentait de l'examiner curieusement de la tête aux pieds, tout en trouvant qu'il avait l'air modeste, qu'il était habillé convenablement, et que pour sûr, ce n'était ni un vagabond ni un demandeur d'argent. « Tout ça, c'est à propos de Katia, » dit-elle quand Aratov se tut. « Oui, madame, de votre fille. Et vous êtes venue pour cela de Moscou ?»« De Moscou. »« Seulement pour cela ?»« Mais oui. » Madame Milovidov se dressa tout à coup. « Ah, vous êtes un auteur. Vous écrivez dans les journaux. » Non, je ne suis pas un auteur, et jusqu'à présent, je n'ai pas écrit dans les journaux. » La veuve baissa la tête, elle ne savait trop que penser. « Ainsi donc, de votre propre gré ?» demanda-t-elle brusquement. Aratov ne trouva pas sur le champ que répondre. « Par sympathie, par respect pour le talent, » dit-il enfin. Le mot de « respect » plut à Madame Milovidov. « Enfin, dit-elle avec un soupir, quoique je sois sa mère, et que cela m'ait fait du bien, du chagrin, un pareil malheur tout à coup. Mais je dois dire qu'elle a toujours été une écervelée, et qu'elle a fini comme une écervelée. Quelle honte, jugez-vous-même, pour une mère. Il faut encore dire merci de ce qu'on est enterré chrétiennement. » Et Madame Milovidov fit le signe de la croix. Dès son enfance, elle ne se soumettait à personne. Elle a abandonné la maison paternelle. Mais enfin, c'est facile à dire, elle s'est faite actrice. Naturellement, je ne lui ai pas refusé ma maison, car je l'aimais après tout, j'étais sa mère. Elle ne pouvait pas cependant vivre chez des étrangers et mendier son pain. Et ici, la veuve versa quelques larmes. Et si, monsieur, reprit-elle en s'essuyant les yeux avec un des bouts de son fichu, si en effet vous avez une telle intention, oh, si vous ne machinez pas quelque chose de déshonorant pour nous, mais si au contraire vous voulez vous témoigner de l'affection, dans ce cas, causez un peu avec mon autre fille, elle vous racontera tout mieux que moi. Anouchka, cria madame Milovidov, Anouchka, viens ici. Il y a ici un monsieur de Moscou qui désire causer à propos de Katia. On entendit un léger bruit dans la chambre voisine, mais personne ne parut. Anouchka, cria de nouveau la veuve, Anna Semyonovna, viens donc ici puisqu'on t'appelle. La porte s'ouvrit lentement et sur le seuil parut une personne, pas très jeune, à l'air maladif, pas jolie, avec des yeux très doux, bons et tristes. Aratov se leva, alla à sa rencontre et se présenta en se recommandant de son ami Kupfer. « Ah oui, Féodor Féodorovitch, dit la jeune fille à voix basse. Et elle prit sans bruit une chaise. « Eh bien voilà, cause avec le monsieur, » dit madame Milovidov en se soulevant lourdement de sa place. « Il s'est donné beaucoup de peine, il est venu de Moscou, tout exprès, et désire avoir des renseignements sur Katia. « Quant à moi, monsieur, » ajouta-t-elle en se tournant vers Aratov, « vous m'excuserez, je m'en vais. » Affaire de ménage. Avec Anouchka, vous pourrez très bien vous expliquer. Elle vous parlera et du théâtre et de toutes ces sortes de choses. Elle a de l'esprit, ma fille, elle est bien éduquée. Elle parle français, elle lit des livres tout comme feu sa sœur. On peut dire qu'elle l'a élevée, vous savez, étant beaucoup plus âgée qu'elle, c'était une occupation. Et madame Milovidov s'éloigna. Resté seul avec Anna, Aratov répéta son petit discours. Mais ayant compris du premier regard qu'il avait affaire à une personne bien élevée, il s'étendit un peu, employa d'autres expressions, et à la fin se sentit ému, rougi, et son cœur battit plus fort. Anne l'écoutait en silence, les mains posées l'une sur l'autre. Un sourire mélancolique ne quittait pas son visage. Une douleur amère et non encore épuisée se lisait dans ce sourire même. « Vous avez connu ma sœur ?» demanda-t-elle à Aratov. « Non, à vrai dire, je ne l'ai pas connue. Je ne l'ai vue et entendue qu'une seule fois, mais il suffisait de la voir. » Et de l'entendre une seule fois. Vous voulez écrire sa biographie ? Interrompit Anna. Aratov ne s'attendait pas à cette parole, mais il répondit immédiatement. Ah, pourquoi pas ? Il faudrait surtout faire connaître au public. Anna l'arrêta du geste. Oh non, non, non, non. Oh, le public ne lui a fait que trop de chagrin. Et puis. Katia commençait à peine à vivre, mais si vous-même... Anna regarda Aratov et sourit de nouveau du même sourire triste, mais un peu plus bienveillant cette fois. Elle semblait se dire « Oui, tu m'inspires de la confiance. » Si vous vous intéressez tant à elle, permettez-moi de vous prier de venir ce soir après dîner. Je ne puis pas comme cela, tout à coup. Je rassemblerai mes forces, j'essaierai. Oh, je l'ai trop aimée. Anna se détourna, elle était prête à sangloter. Aratov se leva rapidement de sa chaise, remercia, dit qu'il viendrait certainement pour sûr, et partit en emportant dans son âme l'impression d'une voix douce et d'yeux sympathiques et tristes, et dévoré par l'anxiété de l'attente. Le même jour, Aratov retourna chez les Milovidov, et il eut une conversation de près de 3 heures avec Anna. Madame Milovidov avait l'habitude de se coucher aussitôt après le dîner, à 2 heures, et reposait jusqu'au thé du soir à 7 heures. La conversation qu'Aratov eut avec la sœur de Clara ne fut pas une conversation proprement dite, car elle parla presque seule, avec embarras d'abord, puis avec une animation toujours croissante, un entrain. On voyait qu'elle adorait sa sœur. La confiance qu'Aratov lui inspirait ne faisait que s'accroître. Sa présence ne gênait plus, elle pleura même en silence devant lui. Il lui semblait digne de recevoir toutes ses confidences. Dans sa vie sourde et silencieuse, elle n'avait jamais rencontré rien de semblable. Et lui, il buvait chacune de ses paroles. Et voici ce qu'il apprit. Dans son enfance, Clara avait été indubitablement une enfant peu agréable. Et devenue jeune fille, elle ne s'était guère adoucie. Volontaire, irascible, pleine d'amour-propre, elle était toujours en guerre avec son père surtout, qu'elle méprisait, et pour son ivrognerie, et pour son incapacité. Il le sentait bien, aussi ne lui pardonna-t-il jamais. Ses dispositions musicales se montrèrent de bonne heure, mais son père ne fit rien pour les développer. En fait d'art, il ne reconnaissait que la peinture, dans laquelle il était si peu de choses, mais qui les nourrissait, lui et sa famille. Clara aimait sa mère négligemment, comme on aime une vieille bonne. Elle adorait sa sœur, quoiqu'elle se battît avec elle et qu'elle la mordît souvent. Il est vrai qu'ensuite, elle se mettait à genoux devant elle et baisait les endroits mordus. Elle était tout feu, toute passion, toute contradiction, vindicative et bonne, généreuse et rancunière. Elle croyait à la destinée et ne croyait pas en Dieu. Et Anna prononça ces derniers mots avec terreur. Elle aimait le beau, mais n'avait aucun souci de sa propre beauté et s'habillait n'importe comment. Elle ne pouvait souffrir que les jeunes gens lui fissent la cour et dans les livres ne lisaient que les pages où il était question d'amour. Elle ne voulait pas plaire, n'aimait pas les caresses, et pourtant n'oubliait jamais celles qu'elle avait reçues, pas plus que les offenses. Elle avait peur de la mort et elle finit par se tuer elle-même. Elle disait quelquefois « Oh, je ne rencontrerai jamais un homme tel que je le veux, et d'autres, je n'en veux pas. Et si pourtant tu le rencontres ?» demandait Anna. « Oh, si je le rencontre, je le prends. »« Et s'il ne se donne pas, oh alors, j'en finirai avec moi-même. Cela voudrait dire que je ne vaux rien. » Le père de Clara demandait quelquefois à sa femme, « Mais de qui as-tu eu ce démon-là ? Pas de moi, certes. » Le père de Clara, voulant se débarrasser d'elle, l'avait fiancée à un jeune marchand très riche, mais fort benêt, quoique civilisé. 15 jours avant le mariage, où Clara n'avait que 16 ans, elle s'approcha de son fiancé, les bras croisés, en tambourinant des doigts sur ses coudes. C'était son geste favori. Tout à coup, pan, elle appliqua sa grande belle main sur la joue rose et rebondie du bonnet. Il sauta sur ses pieds et ne put couvrir la bouche. Il faut vous dire qu'il était éperdument amoureux d'elle. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Elle se mit à rire et sortit de la chambre. « Je me trouvais là, » ajouta la sœur. « J'avais été témoin de la chose. Je courus après elle. « Katia, au nom du ciel, qu'as-tu fait ? » et elle de répondre. Mais si c'était un vrai homme, il m'aurait battu. Mais c'est qu'une poule mouillée. Et il demande encore pourquoi. Mais si tu aimes, et si tu ne veux pas te venger, alors souffre en silence et ne demande pas pourquoi. Oh, jamais il n'aura rien de moi, jamais, au grand jamais. Naturellement, elle ne l'épousa point. Du reste, bientôt après, elle fit la connaissance de cette actrice et quitta notre maison. Ma mère pleura un peu, mais le père se contenta de dire « Chèvre rebelle hors du troupeau !» Et il ne fit aucune démarche pour la retrouver. Mon père ne comprenait pas Clara. La veille de sa fuite, continua Anna, elle manqua m'étouffer dans ses embrassements. Elle répétait toujours « Oh, je ne puis pas autrement. Mon cœur se brise, mais je ne puis pas. La cage est trop petite pour mes ailes. Et puis, on ne peut pas éviter sa destinée. » Après cela, nous nous vîmes rarement. Quand le père mourut, elle vint pour 2 jours, ne voulut rien de la succession. Elle était si désintéressée et disparut de nouveau. Le séjour d'ici lui pesait, je le voyais bien. Elle ne nous revint que s'étant déjà faite actrice. Naratov se mit à questionner Anna sur le théâtre, sur les rôles dans lesquels Clara avait paru, sur ses succès. Anna répondait en détail et toujours avec la même tristesse, avec la même animation. Elle montra à Aratov une carte photographique qui représentait Clara dans un de ses costumes. Sur cette carte, elle regardait de côté comme si elle se fût détournée des spectateurs. Enroulée d'un large ruban, sa lourde tresse tombait comme un serpent sur son bras nu. Aratov considéra longtemps la photographie, la trouva ressemblante, demanda si Clara n'avait pas pris part à quelque lecture publique. Il apprit que non, qu'elle avait besoin de l'excitation de la scène. Mais une autre question lui brûlait les lèvres. « Anna Semyonovna, s'écria-t-il enfin d'une voix peu levée, mais d'une singulière intensité d'expression. « Dites-moi, je vous en supplie, pourquoi s'est-elle décidée à cette terrible action ?» Anna baissa les yeux. « Je ne sais pas, dit-elle enfin. « Devant Dieu, je ne le sais pas, continua-t-elle avec véhémence, s'étant aperçue qu'Aratov avait écarté les deux mains en signe d'incrédulité. Dès son arrivée ici, elle était rêveuse, sombre. Quelque chose lui sera arrivé à Moscou que je ne puis deviner. Mais au contraire, le jour fatal, elle était sinon plus gaie, du moins plus calme que l'ordinaire. Moi-même, je n'avais aucun pressentiment, ajouta Anna avec un amer sourire, comme si elle se le fût reproché. Oui, vous, reprit-elle. On dirait qu'il était écrit que Katia serait malheureuse. Elle en était persuadée dès son enfance. Parfois, elle appuyait sa tête sur sa main, le regard perdu devant elle, et disait « Oh, je ne vivrai pas longtemps. » Elle avait des pressentiments. Imaginez-vous qu'elle voyait d'avance, quelquefois en rêve, quelquefois éveillée, ce qui devait lui arriver. Vivre comme on veut ou pas du tout, c'était aussi son mot. Après tout, notre vie est en notre pouvoir. Et elle l'a prouvé. Anna se couvrit les yeux avec les mains et se tut. Anna Semyonovna, dit Aratov après un court silence. Vous avez peut-être su à quoi les journaux ont attribué. Ah, Un amour malheureux, interrompit Anna en ôtant brusquement les mains de son visage. Mais c'est une calomnie, un mensonge. Ma pure, mon inabordable Katia. Et un amour malheureux repoussé, et je ne l'aurais pas su. Et qui aurait-elle aimé ici? Qui donc parmi tous ces gens était digne d'elle? Qui s'était élevé jusqu'à cet idéal d'honnêteté, de sincérité, de pureté surtout? Cet idéal qui, malgré tous ses défauts à elle, lui était toujours présent, l'a repoussé, elle? Et ici la voix d'Anna se brisa, ses doigts tremblèrent, elle devint toute rouge, rouge d'indignation. Et dans ce moment, pour un seul moment, elle ressembla tout à coup à sa sœur. Aratov allait s'excuser. « Écoutez, interrompit Anna, je veux absolument que vous, vous-même, ne croyez pas à cette calomnie et que vous m'aidiez à la dissiper. Voilà, vous voulez écrire je ne sais quoi, un article sur elle. Mais voilà une occasion de défendre sa mémoire. C'est pourquoi je vous parle si franchement. Écoutez, Katia a laissé un journal. Un journal ? Murmura Aratov. Oui, un journal. C'est-à-dire en tout quelques pages. Katia n'avait pas à écrire. Elle n'inscrivait rien pendant des mois entiers. Ses lettres aussi étaient toujours fort courtes, mais elle était toujours, toujours sincère, elle ne mentait jamais. Mentir avec son amour-propre? Je vais vous montrer ce journal. Vous verrez vous-même s'il s'y trouve la moindre allusion à je ne sais quel amour malheureux. Anna prit précipitamment du tiroir de la table un mince cahier d'une dizaine de pages au plus et le tendit à Aratov. Celui-ci le saisit avec avidité, reconnut immédiatement la grande écriture irrégulière de la lettre anonyme, ouvrit le cahier au hasard et ses yeux tombèrent sur les lignes suivantes. Moscou, mardi, juin, lu et chanté à une matinée littéraire. C'est un jour significatif pour moi. Il doit décider de mon sort. Et ces mots étaient deux fois soulignés. J'y ai revu. Il y avait plusieurs lignes soigneusement effacées et plus loin. Non, non, non, il faut reprendre son collier. Si pourtant c'était possible. Aratov laissa tomber la main qui tenait le cahier. Sa tête se pencha lentement sur sa poitrine. « Mais lisez donc !» s'écria Anna. « Pourquoi ne lisez-vous pas ? Reprenez du commencement, vous n'en avez que pour quelques minutes, quoique ce journal renferme près de 2 années. À Kazan, elle n'y a plus rien écrit. » Aratov se leva de sa chaise et tomba lourdement à genoux devant Anna. Celle-ci resta comme pétrifiée de surprise et d'effroi. « Donnez-moi, donnez-moi ce journal !» dit Aratov d'une voix entrecoupée en tendant ses deux mains vers Anna. « Donnez-le-moi et la photographie aussi !» Vous en avez certainement une autre. Je vous rendrai le journal, mais il me le faut, il me le faut. » Dans sa supplication, dans le bouleversement de ses traits, il y avait quelque chose de si désespéré que cela ressemblait presque à de la colère, à de la souffrance. Il souffrait en effet. On aurait dit qu'il n'avait jamais pu prévoir ce qui lui arrivait. Et c'est avec une sorte de fureur qu'il suppliait de l'épargner, de le sauver. « Donnez !» répétait-il. « Mais vous avez donc été amoureux de ma sœur ? dit enfin Anna. Aratof continuait à rester à genoux. « Oh, je ne l'ai vu que deux fois, croyez-moi. Et si j'y étais poussé par des causes que je ne puis ni comprendre ni expliquer, si je ne sentais pas peser sur moi un pouvoir plus fort que moi-même, je ne me serais pas mis à vous prier. Je ne serais pas venu ici. Il me faut ce cahier. N'avez-vous pas dit vous-même qu'il était de mon devoir de réhabiliter sa mémoire ? Et vous n'avez pas été amoureux de ma sœur ? Demanda de rechef Anna. Aratof ne répondit pas sur le champ et détourna la tête comme pour éviter un coup. Eh bien, oui. Oui, dit-il, je l'ai été. Je le suis encore maintenant. S'écria-t-il avec un vrai désespoir cette fois. Des pas se firent entendre dans la chambre voisine. « Levez-vous, levez-vous !» se hâta de dire Anna. « Voilà maman !» Aratof se releva. « Et prenez, prenez le journal et la photographie aussi. Pauvre, pauvre Katia !»« Mais vous me rendrez mon journal. Et si vous écrivez quelque chose, vous me l'enverrez immédiatement, entendez-vous ?» L'apparition de Madame Milovidov délivra Aratof de la nécessité de répondre. Il eut cependant le temps de murmurer « Vous êtes un ange, merci, je vous enverrai tout ce que j'écrirai. » Madame Milovidov, tout endormie encore, ne se douta de rien. Dès le jour suivant, Aratof partit de Kazan, emportant la photographie dans sa poche. Quant au journal, il l'avait rendu à Anna, mais après en avoir arraché le feuillet sur lequel se trouvaient les mots soulignés. Pendant le voyage de retour, la même torpeur le reprit, quoiqu'il se réjouît intérieurement d'avoir pourtant atteint son but. Il repoussait obstinément toutes les idées sur Clara. Il pensait beaucoup à sa sœur, à Anna. Voilà, se disait-il, un être excellent. Quel cœur aimant, quelle absence d'égoïsme et quelle finesse de compréhension. Et dire que chez nous, en province et dans un pareil milieu, fleurissent de semblables natures. Elle est maladive, pas jolie, pas très jeune, mais quelle excellente compagne elle serait pour un brave homme. Voilà de qui on devrait devenir amoureux. Aratof pensait ainsi, mais une fois arrivé à Moscou, les choses prirent une autre tournure.